référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, Planet Rap spécial Rof. Passez une bonne soirée, c'est parti. Une nouvelle soirée avec Monsieur Rof qui est là, comment on va? Très bien, très bien. En pleine forme, à quelques jours du coup d'envoi de cette tournée qui débutera au Zénith de Paris le 11 avril prochain. Inch'Allah, ouais. Tournée des Zéniths qui va t'emmener vers Nantes, Marseille, aussi au Dôme de Marseille. Ouais. On vous fera évidemment toutes les dates avant 21h, elles sont aussi en suivant sur les réseaux sociaux. On peut les retrouver aussi facilement. Ouais. Il y a des invités qui sont là ce soir qu'on va présenter dans quelques minutes aussi. Si, si. On en a parlé un petit peu, c'est une de tes autres passions à part la musique. Hein, ma deuxième passion. C'est ta deuxième passion, ouais. La boxe. Et bon, on présentera les invités dans un instant, mais juste avant, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a appris hier soir dans l'émission. Alors, moi, je l'ai noté, hein. Et ça, je vais pas te lâcher de la semaine avec. Ce qu'on a appris notamment, c'est que tu nous ferais un morceau qui s'appelle Soleil le 11 avril au Zénith de Paris. Un titre inédit. Exclusivité. Que le concert, notamment celui du Zénith de Paris, ça va être plus de 3 heures de show. La dernière fois, c'était déjà. On risque d'être dans ces histoires-là. Ouais. Donc, faudra prendre pas mal de force et être en forme le 11 avril prochain. Ouais. Et puis hier soir, on a balancé ces morceaux aussi. Le remix West Indies. Lourd. Casser un goût à tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquais, Guyanais, Haïtiens. West Indies. Avec Kérosène et Débrouillard aussi sur ce morceau. Peut-être que demain, Inch'Allah, Kérosène va venir. Lourd le remix. Et puis ça, c'était le live d'hier soir. C'était répète du concert PDRG. Non. PDRG. C'est mon game. Rof, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 ce soir. Il y a du live encore de prévu. On va passer des morceaux, peut-être qu'on remettra le Zlatana Remix. Ouais, si. Il y a beaucoup de demandes pour le Zlatana Remix, donc on le repassera certainement avant. Les gens, ils sont chauds, tu vois. Ah, t'as vu les messages? Ils sont chauds, tu vois. Continuez aussi avec le hashtag Rof sur Skyrock. Vous balancez toutes vos questions, tous vos messages à Rof. Ça arrive direct dans le studio. On balance l'oseille et on présente les invités après. Ça te va? Le quoi t'as dit? Ah, t'étais pas concentré, t'étais ailleurs. T'étais parti. Je vois des gens qui rentrent, c'est pour ça, vas-y. Je disais juste, on balance le morceau L'Oseille. Vas-y. Dont les images arrivent bientôt, le clip arrive bientôt. Ouais. On écoute le morceau, c'est extrait de PDRG, Pouvoir Danger. Alex Nazari encore à la Real. Clip, il arrive lourd. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. DJ Rock G au platine. SDF sans difficulté financière, ROH de Zeb, l'homme d'affaires au stylo magique qui fait passer des HLM au quartier chic. Donne-moi le micro, j'en fais une pompe Afrique. Comme Mélanie, je vise aide humanitaire en Afrique. L'art de manier le fric, hein, c'est magnifique. J'garde le coup de comptoir, rien à foutre leur carré pipe. Les millionnaires savent ton Beyoncé. Les milliardaires que je connais ne savent pas danser. Les jaloux bas, va trop Beyoncé. J'en souhaite les biens de Jay-Z. On sort les parures de Beyoncé. Et traverser la planète en jet, mallette, yes, violette. S'il pleuvait des pièces, on aurait tous mal à la tête. No pain, no gain, dans cette crise universelle. Gardons la foi en toute dignité, faisons de l'eau. Je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. Je cours après, l'oseille. Je cours après, l'oseille. Je cours après, l'oseille. J'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille. Je cours après, l'oseille. Je cours après, l'oseille. Je cours après, l'oseille. Parler de sous en France est un sujet tabou. Puis je viens, on aime l'argent facile comme les marabouts. Chez nous les gourous, je vais escroquer. On toucherait la côte rep, on joue, on les estropie. Le monde est la pomme qui me tarde de croquer. Pensez aux pauvres, le gaspiller vos thunes à vous droguer. Pour la santé, représenter. Ce qui est rare et cher, mais le prix que je commence à chanter. Time is money, écrit sur ma chaupard. J'dors dans le luxe avec un cœur de clochard. Pareil que la misère est moins frileuse au soleil. L'hiver est glacial sans la tête de mes orteils. Je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. l'oseille, je cours après, l'oseille, j'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye, l'oseille, je cours après, yeah. Je vais claquer mes sous, baby, veux-tu être ma cavalière tonight, yeah. Je vais claquer mes sous. H2F pour vous tonight. Chaque jour que je fais, je dois faire de l'oseille. La nuit m'empêche de dormir avec ses conseils. On veut tous en sortir, du moins on essaye. Métro, boulot, dodo, de Monday à Friday. Joyeux Noël, happy birthday, bonne année, fauché au réveil. Rentre chez toi, joue à la play. On claque, claque, claque, ta paye sur une bouteille. Ils ont monté le prix du diesel, diesel. L'oiseau est sorti de sa cage, on lui a coupé les ailes. La vie a moins de goût que la mer sans sel. Gardons la foi en toute dignité, faisons de l'oseille. Sur sursaut, je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. L'oseille, l'oseille, je cours après. L'oseille, je cours après. Tout le monde court après l'oseille, même Samy, même Crimo. Aïe aïe aïe. L'oseille à l'instant, c'est extrait de PDRG Rof en concert, je le disais, 11 avril au Zénith de Paris, le 19 à l'Arena de Lille, Zénith Arena de Lille, le 20 avril Zénith de Nantes, 26 avril au Zénith de Strasbourg, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 mai au Zénith de Caen, le 28 mai Zénith de Montpellier et 30 mai aux Arènes de Metz. La grosse tournée pour Rof qui débute le 11 avril et un petit peu les répètes cette semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Ouais, c'est très physique. Hein. C'est physique. Ça s'annonce physique, ouais. Mais je me prépare. Ouais. Je me prépare avec les meilleurs, avec mon coach Crémo Amitesh qui est là. Et bon, on va saluer Crémo donc Amitesh. Les invités donc. Le micro pas Crémo, loin. Qui est pas loin, qui doit se rapprocher d'une, ça va bien. Ça va. Ça va en pleine forme. De la boxe. Donc aussi coach de Rof ou coach de Rof. De temps en temps. Ami intime. Coach. Ami intime aussi. Ouais, surtout ça. Ancien de Vitré. Voilà, 9-4. On est là, frère. Et c'est un grand monsieur de la boxe, hein. tu me disais tout à l'heure, tu m'expliquais. Ouais, signe et persiste, ouais. Ouais. Donc entraîner beaucoup de gens. Oui, c'est un honneur de l'en recevoir ici. J'enseigne dans une structure qui est le Kalin Club, que je salue. Et donc voilà. Alors Ousni, dans ses petits temps morts, il vient un petit peu se perfectionner. Mm-hmm. Hein, donc, Est-ce qu'il aurait pu être un grand boxeur? Est-ce qu'il aurait pu sincèrement? Ouais. Sincèrement, bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Moi Ousni, je le connais depuis qu'il a 14 ans. D'accord. Et donc la boxe, il l'a connue, il avait 14 ans. Mmh. Parce que moi j'étais déjà un compétiteur. Et donc il s'entraînait avant à Vitry avec moi, dans la salle dans laquelle j'étais. Et puis moi j'étais compétiteur, donc j'étais pas enseignant du tout à cette époque. Et déjà à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il a fait quelques compétitions, hein, d'accord. Étant jeune, sauf bon. Des genres de personnes qui n'ont jamais déclaré ça. Mais bon, moi je le sais personnellement. Mmh. Je l'ai vu. Et c'était quelqu'un qui était très doué pour ça. Sauf que bon, bah voilà, il a pris le chemin de la musique. La musique a été. Il a réussi. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Mais sincèrement, il n'y a qu'à le voir un petit peu en salle. Et c'est un régal. Si tout le monde était comme lui, ben. Et Samy Sana qui est là, qui est notre champion du monde. Samy. Et qu'on va saluer aussi, donc Samy, champion du monde, qui est là avec nous. Exactement. Ouais, bienvenue bonsoir, Samy. Bonsoir en forme. À tous. En forme. Tiens, hop, habillé aussi en distinct. Hein, aussi bien d'ailleurs, tous les deux, je vois que vous êtes habillés en distinct. C'est la famille. C'est la famille. Je vois que tout le monde habillé. On se donne tous la force, c'est la famille. Non, pour revenir là-dessus, Samy, après on va parler de ton parcours évidemment. Juste revenir là-dessus sur la boxe. Toi, t'as pas de regrets évidemment, parce que la musique, t'as été pris par la musique. Mais t'aurais aimé ça, combattre un peu plus, faire un peu plus. Quand je les regarde s'entraîner, quand je les regarde faire leur combat, leur match, tu vois. En fait, c'est le fait que on dit dans la vie, pour s'en sortir, faut se battre. Mmh. Tu vois, pour gagner son pain, faut se battre. Mais eux, c'est vraiment le cas, ils se battent. Tu vois ou pas? Donc, c'est ça que je respecte, c'est ça que j'admire, en fait. Et je regarde, je les regarde, ils m'inspirent, ils déteignent sur moi, tu vois, je tourne avec eux, je fais du sparring avec eux, on appuie, on est là, on... et tout ça dans un bon état d'esprit, hein. Tu vois, la boxe c'est très éducatif. Mmh. Créma Mitesh m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Toi, c'était canalisé justement, ouais, quand t'avais 14-15 piges. Beaucoup. Moi, j'allais à la boxe pour apprendre à me battre à la base, pour faire la misère dehors, tu vois. Mais c'est vrai que. Et puis au final, voilà, Crémo, il m'a donné un peu de sa force, de son intelligence. Et même dans les moments où les périodes difficiles, ces périodes difficiles, où il y avait beaucoup d'épreuves, il venait, il nous donnait de son temps, tu vois, de son amour, et ça, sur ça, j'ai respecté, quoi. Donc il a déteint sur moi, tu vois. Je trouve ça super intéressant ce qu'il dit. C'est vrai que je suppose qu'il y a plein de gens, même toi, là, comme maintenant t'es passé un peu coach et tout, il y a plein de gens qui viennent te voir en disant, ouais, mais apprends-moi à me battre, à me battre. C'est, oui, ça doit être surtout ça, au début. Mais à la base, c'est un sport. Mmh. À la base, c'est un sport. Donc c'est ce qu'au départ, c'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Et, et puis je crois que il faut aussi être passionné. Et, Osni, à la base, c'est quelqu'un qui est un adepte de la perfection. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'on voit dans ses musiques, etc. Donc, vu son tempérament, vu justement sa perfection, il est tout le temps à la recherche de l'amélioration. D'accord. Donc, moi, je l'ai vu, je le connais depuis qu'il est tout petit, donc il s'est amélioré. C'est incroyable ce qu'il a changé, quoi. Moi, j'ai toujours comparé Osni à une bagnole, voilà. Aujourd'hui, c'est un modèle 2014, d'accord. Aujourd'hui, c'est un modèle 2014. Voilà, c'est quelque chose. C'était quelle bagnole à l'époque? C'est full option. À l'époque, c'était une Dodoche, et aujourd'hui, c'est une Ferrari. Donc voilà. Et franchement, moi, en tant qu'enseignant, hein, d'accord. Parce que bon, j'ai Osni, mais j'ai aussi une structure avec des élèves, avec des champions, dont Samy justement vient un petit peu tourner avec nous. Hein. Et franchement, il est respecté, il est considéré en tant que boxeur, avant tout. Après, la star qu'il est, c'est ce qu'il est, quoi. Il l'a pas trouvé. Il a bossé pour être comme ça. Et donc, moi, j'ai toujours comparé la musique au sport. Pourquoi ? Parce que faut se battre, quoi. Faut se battre. Et surtout dans le rap en plus, où il y a en effet ce côté un peu plus compétition, peut-être que dans la variété. Exactement. Quoique. Mais c'est vrai que t'as un côté forcément. Même toi, je suppose que. Voilà, on parlait de la tournée des Zéniths, c'est un entraînement, tu le fais comme si c'était un combat, quoi. Comme avoir du souffle. Exact. Cardio, on tourne, on s'entraîne. Voilà, quoi. Tout ça avec la tête, avec le coup d'œil et la tête, tu vois. On l'a vu pour ceux qui avaient vu la dernière. Et moi, je voulais remercier Crémo Mitesh pour tout le temps qu'il m'a donné, tu vois. Pour tout ce qu'ils m'ont enseigné, parce que voilà, quoi, ça n'a pas de prix, ça. C'est des saisons qui passent par tous les temps, et je voulais le remercier devant toute la France, devant tous ceux qui nous écoutent. Crim, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, qui nous présente maintenant le champion du monde que l'on a dans le studio? Alors attention, c'est là, il faut faire comme dans les matchs, comme dans les galas. Mais Samy Sana, c'est pareil, hein, je l'ai connu, moi j'étais compétiteur à l'époque. Et il devait avoir 14-15 ans, c'est pareil. Hein. Donc c'était un tout petit jeune, tout maigre, tout menu. Il était là pour faire du sport. Et puis il nous voyait avec ses grands yeux ronds comme ça, boxer sur des grands plateaux. Puis aujourd'hui, je suis vraiment fier de lui, parce que il a un parcours juste incroyable. Il n'est pas très vieux non plus. Voilà, par rapport à l'âge qu'il a, hein, parce que bon, moi j'ai été champion du monde, mais j'avais 28 ans, d'accord. Toi, t'as et lui, aujourd'hui, il a 23 ans. 25 ans, d'accord. Donc ça passe très vite. Hein, 25 ans, donc 25 ans, c'est un de nos plus jeunes champions du monde. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très, très, très fort pour son poids. C'est le nouveau fer de lance là qu'on a en France, et notamment il nous a battu un Thaï là où vraiment il nous a étonné, parce que ce Thaïlandais a battu 9 Français et Samy c'était le 10e, hein. Et donc Samy l'a battu, a réussi à le battre par KO. Ouais. Par KO, c'était juste extraordinaire, quoi. Propre. Combien de matchs en tout, Samy, pour toi? Là, ça me fait 80 combats. Ouais, pour 77 victoires. C'est beau. Ah, c'est beau. Bah, quand t'as, c'est beau. On peut même pas parler de trois défaites en même temps. C'est quand t'as 77 victoires avec. Jeune, il a 25 ans. Moi, j'ai fait mon dernier combat, moi, à 37 ans, et j'en ai 95 des combats. Vous avez vu un petit peu le chemin qu'il a derrière. Bah, ça va, t'as encore quelques belles victoires. Il y a un match d'ailleurs prochainement, il y a un combat bientôt. Là, je boxe le 19 avril prochain, là. Je boxe à Saint-Quentin, au One versus One. C'est un gros gala organisé par Abdoulaye Mbaye. Donc là, je boxe un Thaï qui s'appelle Dieselec. C'est un gros Thaï qui est super connu, qui a été champion du Lumpini, tout ça. Donc on est prêt. Voilà. Bah ouais, tu m'as l'air bien prêt. Ouais, je suis prêt. Donc c'est quand, rappelle la date à Saint-Quentin ? 19 avril à Saint-Quentin. 19 avril pour voir justement. Il faut aller le voir, hein, parce que quand il arrive, Samy, c'est con, toi, tu seras à Lille. Il est motivé, t'as vu ? Ouais, je serai à Lille. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre. Ouais, mais c'est pas grave. Ous, il est toujours là. C'est important pour toi aussi la musique. Il y a du son qui tourne avant un combat. Il y a un truc. Bien sûr. C'est les sons de Ous qui me stimulent. Moi, je mets ça dans mes oreilles quand je m'entraîne, quand je vais courir. C'est ce qui me donne la force. Voilà. En plus, Ous, c'est comme un grand frère. Il a la même mental que moi. Il est guerrier, hargneux. Voilà. C'est le même mental. C'est pas pour rien qu'on est ensemble. C'est la même équipe. Toi, tu viens d'où, c'est toi? Moi, à la base, je suis du 92. Je suis de Boulogne. Boulogne. À la base, je suis de Boulogne et 9-2. Voilà, 9-2 représente tous les frérots de Boulby, hein, Square, Pontsef, tout ça. Nous, on est avec Ous, c'est la famille, on est en distinct, on représente. Ah oui. Bon, et bah très bien, et puis donc on te verra le 19 avril prochain. Cris sur scène, 94-400. Du côté de Saint-Quentin, comment t'expliquer? Bah tiens, justement, Crémo, parce qu'il y a évidemment, on le disait, beaucoup de jeunes qui veulent faire de la boxe, il y a beaucoup qui s'entraînent. Comment est-ce que, voilà, c'est quoi? C'est un mental pour être champion, pour être comme Samy, c'est quoi? C'est pas une histoire d'horizon, c'est pas une histoire de banlieue, du 92, du 93, du 94. Moi, à la base, j'y mets tout le monde à la même enseigne, hein, que ce soit des gens de. C'est une histoire de mentalité, d'accord? Avant tout, on leur apprend la discipline, la mentale, l'entraînement, ça ouvre pas mal de choses dans la vie. Et donc, la persévérance, hein, Samy, je vous dis, je l'ai connu, il était tout petit, hein, il venait donc déjà de venir du 92 jusque dans le 13e. C'est déjà la mission. Voilà, c'est déjà la mission, donc il faut en vouloir. Et il faut s'entraîner, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement. Donc pour ceux qui connaissent la boxe thaï, voilà, on n'est pas des footballeurs, c'est dommage, on n'est pas payé au même prix. Et pourtant, Dieu seul sait que on met notre vie en danger vraiment tout le temps, quoi. Donc c'est quand même un sport assez dangereux. Et après, dans tous les sports, faut avoir une mentale, hein, parce que les footballeurs, ils sont en centre de formation depuis qu'ils sont petits, ils sont coupés du monde. Nous, on s'amusait un petit peu quand on allait en boîte, on allait voir des filles, ils étaient. Ils étaient enfermés. Parfois, ils faisaient le mur aussi. Entre couilles. Parfois, ils font le mur aussi. Parfois, ils vont voir les filles aussi en cours. C'est surtout un état d'esprit, hein. C'est surtout un état d'esprit. Et je crois que c'est un sport qui est tellement dur. On peut pas tricher, c'est pas possible. Il faut de la discipline. Donc il faut de la rigueur, il faut de la discipline. Moi, entre autres, personnellement, si on me posait la question, je me dis, comment t'es arrivé à la boxe thaï? Moi, j'ai eu affaire à un boxeur que j'admirais énormément, que Ousni connaît, que Samy connaît, parce que c'est le meilleur français qu'on a eu ici en France, c'est Guillaume Carner. D'accord, donc on l'appelait, le surnom c'était l'Ange Blond, à qui je donne une dédicace, à lui puis à son fils aussi qui est très fort. C'est Guillaume. Sullivan, donc voilà, je les embrasse bien fort. Et donc moi, la boxe thaï, c'est lui qui m'a inspiré justement pour faire la boxe thaïlandaise. Et je crois que justement Samy Sana, Ousni qui connaît tout le milieu de la boxe thaï aussi, puis d'autres champions. Il n'y a pas Danny Bill aussi. Voilà, ils ont été inspirés par ces champions-là qui sont Guillaume Carner, Farid Guillaume, Danny Bill, Farid Guillaume et d'autres grands qu'on a pu avoir. Rachid, hein. Kabouchi. En tout cas, l'appel qu'on peut peut-être lancer aussi, c'est que maintenant on puisse diffuser, parce qu'à une époque il y avait Canal qui diffusait pas mal de combats de boxe. Là en télé, c'est quand même, c'est aussi le problème, puisqu'on parlait justement rémunération. Alors ce sera jamais le football, je pense, la boxe, mais c'est vrai qu'il pourrait au moins y avoir un gros diffuseur qui se remette, parce que c'est toujours des spectacles aussi, la boxe. Voilà, il y a toujours. À l'époque, on avait Canal quand même qui promotionnait cette discipline. Et puis bon, il y a eu au fur et à mesure, ça c'est... Non, mais là en plus il y a tellement plus de chaînes maintenant sur la TNT. C'est clair. Tu vois, donc il peut bien y avoir une belle place pour la boxe, si, ce serait bien. Il y a quand même une place pour la boxe. Il y a une chaîne qui diffuse là, Combat Sport. Il y a quand même des gros combats régulièrement. Un mec comme Samy, on le voit sur des gros plateaux comme ça. C'est quand même... Maintenant c'est beaucoup plus en vogue qu'à l'époque de ma génération, ne serait-ce que de ma génération. Moi j'ai plus années 80. Voilà, moi j'ai boxé, je suis pas aussi vieux que ça. J'ai boxé dans les années 93, 95 jusqu'à 2006, 2007. Et moi à mon époque c'était pas comme ça. Mais bon, aujourd'hui quand même c'est beaucoup plus facile pour eux. Et puis en plus on commence à avoir une bonne fédération, on commence à avoir des délégations de pouvoir. Et bon, là maintenant on commence. Bon, on ira te voir le 19 avril Saint-Quentin. Pour ceux qui sont à Lille, malheureusement, ils seront du côté du concert de Rof, hein, au Zénith de Lille. On écoute un petit morceau, Rof, avant de retrouver tout le monde. Vas-y. Alors, est-ce que je te propose, tiens, c'est peut-être parce qu'on met régulièrement tout au long de la journée, voilà, on demande aux auditeurs de Skyrock de réagir et de mettre leur morceau préféré ou ceux qui voudraient écouter le soir entre 20 et 21 dans l'émission. Il y a le En Mode 3 qui est beaucoup arrivé en tête ce soir. Ok. Sur les réseaux sociaux de Skyrock, est-ce qu'on se balance En Mode 3? Vas-y. Allez, c'est parti maintenant, c'est extrait de l'album PDRG. C'est Rof toute la semaine et ce soir, on va rester dans l'ambiance box. Bougez pas dans un instant. Full Egg Empire. Oh, no! Yeah! J'avais 203. En moitié, en mode ça, en moitié, en mode ça. T'es en moitié, pour moi t'es en mode gauche là. En moitié, en mode ça, en moitié, en mode ça. En mode PDRG, les vrais n'écoutent que ça. En mode 1, en mode 2, en mode 3. 2014, Hust, t'es en mode quoi? J'suis en mode Ska, j'suis en mode Spa. En mode Flood Merida, j'ai dans la plaza. ROHZFK, les fils savent tout, les filles savent tout. J'suis en mode Taïra Farida, quelques fantômes. Ça manque de goût, pénurie de shit pour crack. Ça se gratte les veines, le coup, t'inquiète, Rof is back. Ils tirent dans leur clip en mode vidéo gag. Naturiste au mic, rap game du Cap Dag. En mode plaque 9-4, Ferrari. En mode weed, hollandaise, thaïlandaise, badrari. En mode scolari, 4 étoiles plus moi, ça fait 5. En mode Bakari, Momo, François, t'es notre copain. T'es pas en mode distingue, autant marcher à poil. Voilà. En mode team Rof, on suit tout le monde sur la toile. En mode rap sale, on connaît les vrais ou t'as de la merde dans les yeux. Trop de balles. Mode, yeah, oh, mode. Comme ça, tous les ghetto youth m'attendent. 11 avril, Zénith, trop chaud, en mode, trop. On va brûler le Zénith. Alors comme ça, toutes les cousines m'attendent. En mode, gospo, en mode, trop chaud. Yes, Samy. T'es en mode deal ou en mode hip hop, t'es en mode flop, c'est que fuck. Le rap en mode vaillette, en mode pop. Leur disque d'or en mode talk. Les shcop vendraient un camis dans un sex shop. Ton top 5 sont d'or en comptant mes classiques. Ils font du son sur les mains, cache en mode couche classique. En mode suck my dick. Soit t'es en mode addict ou en mode cook. Now we'll dig. En mode rage, ton rap conscient en mode moyen-âge. Mets-toi en mode Doulia, fais une doigt à pour le rap jeu. En mode perché, ton zen en mode wifi. 4G, en mode VIP, entouré de wifi. Soulève tes sourcils en mode Eva missile. En mode coup de feu à domicile. Laisse ma braquette tranquille, bitch. Qu'est-ce tu fais? T'es prêt à bronzer, t'es en mode UV. En mode bicheton, on peut rien trop fuser. Yeah. Tu veux la lune et moi te piler dans la fusée. 19ème. C'est un flow, en mode million de vues, million de banques, million d'euros. Y'a des soucis. En mode girouette, n'est pas mon frérot. En mode soulette, t'es pas en mode hétéro. En mode 1, en mode 2, en mode 3. Alors comme ça, tous les ghetto youth m'attendent. Cassa, Slimane, Harris, Laps, trop chaud. Alors comme ça, yeah. Toutes tes cousines m'attendent. En mode Nino, Gospo, en mode Choisis, Orly, Gospo. En mode ci, en mode ça, en mode ci, en mode ça. t'es en mode C. Pour moi t'es en mode gush là. En mode ci, en mode ça. En mode ci, en mode ça. En mode BDR, j'ai les vrais n'écoute que ça. Zizi, Farid, Jamel Amitesh. Aïe, la garde Vitry, Ray. Empire. En mode 3 à l'instant, c'est extrait de PDRG avec Rof ce soir, ouais. Avec Sami Sana, champion du monde avec nous, et qui va combattre encore le 19 avril prochain du côté de Saint-Quentin. Le coach qui est là, Crémo, coach qui est là avec nous. Sami, toi, ouais. Rapper, ça te dit pas? Parce qu'on a parlé du sens inverse. Ouais, Rof s'entraîne, en tout cas fait régulièrement de la boxe. Est-ce que toi, dans l'autre sens. Lui, c'est boxer, lui, c'est un tueur. T'as pas essayé? Je sais pas. Ouais, quand j'étais petit, j'avais 15 ans, j'ai essayé de rapper comme tout le monde, je pense. T'as pas continué en fait, non? Tu t'es dit. Ah, j'étais trop nul, laisse tomber. J'étais trop éclaté. Il dit la boxe, c'est pour moi en fait. Voilà, exactement. Chacun son truc. C'est là qu'on voit que c'est difficile. Ah, laisse tomber. Ouais, mais lui, Ous, il est fort dans les deux, donc c'est pas du jeu, lui. À la salle, il est là. Dans les studios, il fout la merde. Bah allez, en fait, c'est. Vous avez mis les gants ensemble tous les deux aussi déjà? Pas encore, mais on va tourner là bientôt. Bientôt. Non, mais tu sais quoi, il faut que je lui crève un couplet en fait, un morceau. Mais t'as pas délire un soir en studio? Ouais, je veux moi. T'inquiète, moi je suis ouvert, moi j'aime bien m'amuser. T'inquiète, on se tape pas un délire un soir. Bon bah très bien, bah écoute un de ces quatre, un futur. Et Crémo il fera le refrain. Voilà, Crémo le refrain. Crémo il fera les cœurs. Moi les gars, je le surveille déjà. Non, il peut te faire une bonne intro avec sa voix, je trouve. Il peut te faire une bonne intro d'amour. Une petite intro avec une musique taille et tout. Ouais, peut-être une intro. Ouais. Bonne intro de morceau avec ça. C'est moins risqué. Ouais. Je sais pas. Réglerez vos affaires en studio. Bon, on va revenir dans un instant. Il y aura du live à pas louper. Qu'est-ce que tu veux qu'on passe aussi de PDRGE ou est-ce qu'on met on va mettre la fierté des nôtres. La fierté des nôtres. Ça c'est voilà. Toujours ça. Ouais, ouais. Ça c'est du lourd. La fierté des nôtres, on va mettre. Toi, t'as des morceaux justement que tu mets en particulier quand tu t'entraînes de Rof ou moi, franchement, un album en particulier. Le premier en mode, il m'a excité. Ouais, celui-là, il m'a excité celui-là. Le premier en mode, il m'a excité. Après, toute la fierté des nôtres, hein, tous les albums, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment la rue. Voilà, c'est du lourd. Et donc tu as celui-ci aussi, le double album, le dernier. Super lourd aussi. En date, je sais pas si tu as l'occasion de le voir, parce que comme toi, t'es en combat le 19 avril, peut-être au Zénith de Paris le 11. Ah, le 11, je suis là, c'est sûr et certain. BG, on l'invite, frère. Mais là, sûr. VIP. Histoire d'être bien en forme. Avec Crémo, toute l'équipe. Voilà. Et ben, ne bougez pas, dans un instant, on passera la fierté des nôtres sur Skyrock. On vous attend aussi au freestyle par téléphone. Vos messages avec le hashtag ROF sur Skyrock, ça arrive direct dans le studio. On revient après ça. C'est le Planet Rap avec Rof juste avant sa tournée, avant le 11 avril. Il y a une date que j'ai pas filé aussi, c'est le 25 avril du côté du Transborder de Lyon pour aller voir Rof en tournée. Ouais. D'ailleurs, petite question pour repartir avec l'album dédicacé de Rof, pour la tournée de Rof. PDRG, Ray. Voilà, la tournée PDRG, les concerts se font dans des zéniths, sauf pour trois villes. Donnez-nous les trois villes. Alors, même si c'est des capacités zéniths, c'est pas tout à fait des noms comme qu'on donne. Là, je viens d'en filer une, par exemple, le Transborder de Lyon. Mais allez, filez-nous. Il y a trois dates qui ne sont pas dans des zéniths. Vous nous balancez les lieux. 41759, le skyrock.fm aussi, ou avec le hashtag Rof sur Skyrock, et vous repartez avec l'album dédicacé de Rof. Ce soir, boxe au programme. Ouais. Avec les frérots. Pas dans le studio, hein, juste au micro, tranquille. Non, tranquille, ouais. Tranquille. Avec Sami Sana qui est là avec nous, avec Crémo qui est le coach. Ouais. Et avec toi, Rof aussi, on va balancer un morceau, on avait promis la fierté des nôtres. Vas-y, on voit. Allez, c'est parti, fierté des nôtres maintenant, du live aussi qui se prépare dans un instant. De quoi faire chialer Mary J. Je suis monstrueux, comment est-ce moi Melly? C'est le son que je mérite, comme Tony Parker, on me dit pas en Amérique. Tu te prends pour moi, c'est pas Pépon comme Hillary. Je suis inquiétant comme un ennemi à ton mariage devant la mairie. Je viens faire progresser la musique, faire passer le message, prendre mon fric pour construire en Afrique. Je suis pas de ces rappeurs excentriques qui sucent le diable, qui font leur vedette en boîte, bouteille, tasse à leur table. Stop. J'arrive du bled, la vie m'a mis une claque. Ils sont dit que de la merde, t'es égaré, tu joues les matchs. Je sais c'est quoi la misère, y'en a qui ont vécu pire. Alors je vais pas dramatiser, j'espère que l'AMC sans souffrir. Même une balle dans la tête ferait l'affaire. J'ai pas peur, pourquoi se mentir d'une manière ou d'une autre. Arrive ton heure, j'ai la gamberge, les ongles. Je suis venu aiguiser les ongles. Je vais te faire super mal, ah ouais, je vais t'arracher les ongles. Strangulation d'MC, c'est la prise de l'ours. Je veux pas perdre mon calipato, c'est ta mère qui rembourse. C'est chaudard, comme une promenade qui te course. Le commercial comme Tupac, être côté en bourse. Rien à foutre, moi, c'est pas les jaloux qui me font les courses. On me dit ne pas calculer ceux qui parlent, ouais, mais je les baisse tous. Les mecs après ces refs, ils savent pourquoi. Je suis juste un vaillant, pas un rappeur qui se prend pour aïe. Les anciens me ramènent leurs nièces pour que je signe des dédicaces. S'en foutent du rap, ça leur fait plaisir. C'est R-O-H-2-Z. Si tu peux pas me tester, je peux pas me tester. Moi, je parle jamais dans le zèf. Le rap français est pris de vitesse. C'est R-O-H-2-Z. Si tu peux pas me tester. Gapion 6-9, Marseille. Français est pris de vitesse. J'ai rien hérité, ma cote de popularité. Ne prends aucun cas irrité. Ma personnalité, m'arrivait de bien ou de mal, c'était mérité. J'assume une famille, je dois faire preuve de témérité. Je suis déterminé, né pour dominer. Numéro uno, même quand m'a pas nominé. Toujours fidèle au principe, aux devises rétrospectives. Me mettre à sniffer comme toi, c'est pas dans mes perspectives. Je suis incorruptible, influençable, toujours sportif. Pour tous ces gens qui me soutiennent, comme un soutif. Comme le périph', j'en sers pareil sur les bombes. Succombe sous les décombres, sur 1000 km à ronde. Alors de nous Hachem, négro, tu parles comme un colon. Me rabaisser à ton niveau, c'est marcher à reculons. Fais péter le son, c'est ta place, les chiffres, marteau au déon. La basse fracasse, la caisse, tes gorges sur l'accordéon. Tu peux jouer à la pétanque comme Marcel. Au micro, ça harcèle, pour mes potos de Marseille, gars Charcel. Tous les grands moyens d'un Dunkerque, la Courneuve. Et la famille des Hauts-de-Seine au 20ème et 19. Je lâche un cocktail de rime molotov. Une putain de rafale de balles, faut qu'on lâche les coffres. 2004, tu peux toujours pas test-off. Annonce le retour du très célèbre catastrophe. Zénith tour comme un cadavre, ça a bien grave. À travers les baffes, je te mets des baffes. À travers les baffes, je te mets des baffes. Je te mets des... Je te mets des... La fierté des nôtres à l'instant, morceau que tu feras forcément aussi lors de cette tournée. Ouais. Tu vas revenir sur tes 15 années, qui est plus de 15 ans de carrière sur scène. C'est la promesse pour ces différentes dates, notamment le 11 avril prochain au Zénith de Paris, le 19 à l'Arena de Lille, Zénith Arena de Lille, le 20 avril Zénith de Nantes, le 25 au Transborder de Lyon, le 26 avril au Zénith de Strasbourg, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 mai au Zénith de Caen, le 28 mai Zénith Montpellier et le 30 mai aux Arènes de Metz pour retrouver Rof près de chez vous, avec ce soir Sami Sana qui est là, qui lui aussi va combattre le 19 avril. Ce sera du côté de Saint-Quentin. Exactement. Bon, t'as un petit pronostic À quelle ronde tu vas le finir? En tout cas, je sais que ça va être la guerre. Ça va être la guerre mondiale en tout cas. Je sais pas quand ça va se finir, mais c'est soit moi, soit lui qui va tomber, c'est sûr. Bon, dernier combat, c'était quoi au premier round, c'est ça? Hop, c'est ouais, ouais, ouais, c'était le premier round. Ouais. Vous pouvez taper, regardez. Hein. Bon, arrivez pas en retard, hein, en fait. Ce sera pas comme Rof en même temps. Le combat va peut-être aller plus vite que la tournée de Rof. Ah, la tournée de Rof, elle est longue, hein. Faudrait être présent. Être présent. À partir du 11 avril au Zénith de Paris, je vous présente Debza de Nancy. Salut Debza. Salut, salut. Ça va bien? Bien et toi, la forme? Bah ouais, je te présente un petit peu tout le monde. Tu connais évidemment Rof. Yes, yes, évidemment. Sami Sana qui est avec nous. Je sais pas si tu l'as vu boxer ou si tu vois yes, qui boxeur. C'est. Boxeur. Ouais. Ouais, on connaît. Et puis Crimo que t'as peut-être vu aussi boxer yes, quelques yes. années de cela. Il y a 2-3 mois. Debza, t'es prêt à rappeler toi? Yes, yes. Allez, c'est parti. Session freestyle par téléphone. Ok. Ok. Eh, hey, Debza au max, je suis pas représentant. Ok. Ça fait. Ok. Ok. Eh. Hey. Eh. Hey. Passe-moi le mic, je remonte comment faire, je vais faire du sale, il faudrait qu'on m'enferme, Debza dans les packs, rap prêt sans commentaire, objectif tout niqué avant commentaire, moi tout seul, j'allume toute ton équipe, ils veulent me descendre, je vais les monter en l'air, Debza faire à pas signaler mes clips, plus de musique en 3 jours dans vos terres, bref, passe-moi le mic, puis j'exporte plus le département, pas de finesse, on fait ça arguement, plus hardcore que le débarquement, j'ai pas la prétention d'être le meilleur, On fait tirer rien à foutre. J'accélère normal sur la file de gauche. Je vois, on t'arrive sur ma route. Ah non, j'ai pas changé. Je me suis juste adapté à ce milieu pourri. Je me dois de tous les baiser. Fini l'époque du collège où je rate pourrir. Punchline en guise de cartouche. Quand je m'approche, appareil, ils vont t'avaler. Le game qui est grande partout, ça suce. Crache dans la soupe et font cavaler. Je kiffe leur foot, le seum. BBZ porte-parole de tous les gars chez moi. De suite, un drap de merde, l'air à l'bol. Ça m'empêche pas taper pire qu'un chinois. Bref, qui sait à l'aise. N'importe quel proche pratique sans frais. Dédicace pour tous mes gars au head. C'est bien au mic, t'as rien 213. Ok, Debza à l'instant. Et allez-y parler. Le début de la fin, bientôt dans les bacs, ça va barder. Merci à toi, Debza, en freestyle à l'instant dans l'émission. Aïe, bah merci à vous. On te retrouve, vous, vas-y, balance les adresses où on peut t'écouter. Eh bah, sur Facebook, c'est Debza Square, donc D-E-B-Z-A, plus loin Square, S-Q-U-A-R-E. Sur Twitter, Debza Square, pareil. Et puis voilà, si je peux placer quelques petites dédicaces vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y, on t'écoute, ouais. Vas-y, donc pour tout le square, tous les frérots du carré, 8ème square, mon poteau, Shirsa, Rez, Falbalafré, Steve, Hicham, Ibrahima, Khalid, Hakim, tous les frérots du square, un gros big up à eux, un big up à Sofiane et à Ibé. Voilà, on est là. Eh ben, merci à toi, Debza, et merci au poteau. Bien, félicitations. Qu'on entend derrière. Samy, t'as des dédicaces. C'est le moment où j'aime ça. Il y a toujours un moment dans l'émission où on peut passer des dédicaces. Vas-y. Moi, je dédicace déjà. Je dédicace à Dédès, Alain de l'Ombre. Voilà, je dédicace Ousni, c'est les grands frères, ceux qui me soutiennent. Ils font une promo de malade, ils sont là avec moi. Après, je dédicace tout Boulogne-Billancourt. Pont-de-Sèvres, Square, rue de Paname, La Porte. PDSC, tout ton ça quartier. Là. Le quartier, le 12e où j'ai grandi aussi un petit peu, mon pote Rami qui est au placard depuis 3 ans et 2 mois maintenant, grosse casse d'aide à Ramstar et aux mecs de chez moi, Lanso, tout ça, Sobar, tout ça. Et voilà aussi un big up, un gros big up à Dame 16, mon refrain de Boulogne-Billancourt, un soldat. Voilà. Et c'est tout. Crémaux, dédicace pour d'autres coachs ou pas? Ouais, bah moi j'ai dédicace pour des amis, hein, notamment pour ABD, il va se reconnaître, hein, BMW Grélé, il va se reconnaître, Thibaut Dems. Abdel qui est en Thaïlande. Abdel qui est en Thaïlande. Et une grosse dédicace à Krim Amitesh. C'est lui le. C'est lui. C'est coach numéro uno. C'est le coach le plus Kaira qui puisse exister en France. Le plus Kaira qui puisse exister. En fait, t'as pas envie de faire un combat en fait. Là, il est en mode diplomate. Ah ouais, mais là, il est gentil. Il fait le diplomate là. C'est le seul qui les éduque. C'est le seul entraîneur. Quand je suis dans le coin, il me dit quoi? Samy, nique lui ça. Nique lui ça. C'est pas vrai ça. Bravo, Krim. Il est venu avec le chapeau. Pour l'entraîneur de Rocky Balboa, le même chapeau. J'ai vu le chapeau, on peut le voir sur les images sur skyrock.fm. Bah ouais, tu le vois, il pète pas, il marche dans la rue. Tu crois que. Il est dangereux, il est dangereux. Si jamais t'es bourré ou tu veux jouer le chaudard, t'arrives, tu le prends pour un bim. C'est dur pour toi, quoi. Et là, y a pas d'arbitre pour compter, gros. Mais d'ailleurs, tu leur dis quoi, bon, pour les victoires, ça vous fait des victoires, mais. Je les félicite. Mais quand il y a quelqu'un, voilà, quand on perd, tu dis quoi? En dehors de mon élément, j'en prends plein la gueule. Hein, je suis venu à Skyrock parce que franchement c'est pas respect pour mon frangin Ousni, mais j'en étais sûr qu'ils allaient m'en mettre plein rien. Pourquoi ils font ça? Parce que quand ils sont en salle, ils souffrent tellement. Que tu nous fais souffrir. Ils souffrent tellement. Donc là, ils ont obligé. Maintenant ils se vengent. Alors ils me disent que je suis une Kaira de 42 ans. Hein, c'est bien. En tout cas, bon. Une Kaira sur le retour. Voilà. Voilà. En tout cas, pour revenir aux dédicaces, je fais une grosse dédicace à mon ami Frédéric Boutry et son fils Yann, mes petits neveux, hein, mon petit neveu adoré Yanis et puis ma petite nièce Nawel. Et comme je disais, hein, surtout ABD et Thibaut Dems. Le Phoenix Muay Thai aussi, à la Le Phoenix Muay Thai, le Kajin, Haute Tension, le club Haute Tension dont j'ai été formé. J'ai été formé là-bas à l'âge de 8 ans jusqu'à 35 ans, j'ai boxé là-bas. Donc voilà. Donc on n'oublie pas donc. À Mimil. D'où on vient. Gros Mimil. Abdel Slem aussi qui boxe en Thaïlande, qui est en Thaïlande, là, on est avec toi. Abdel aussi. Qu'est-ce que vous pensez de l'explosion aussi du MMA? Ah, c'est super, c'est super. C'est le nouveau sport en vogue. Voilà. Bon, moi j'ai un petit peu les boules parce que bon, bah je suis un puriste. Mmh. Hein, je suis un petit peu comme Ousni dans la musique. Et j'aime pas trop qu'on Bon, enfin, après, c'est comme ça, c'est le sport. Il y a des disciplines qui arrivent comme ça, mais moi, je trouve que la boxe thaï, c'est un art martial, c'est un sport noble, et on n'a pas la place qu'on devrait avoir. Donc, et puis, il y a des disciplines qui arrivent comme ça, des disciplines exotiques qui viennent du jour au lendemain. Moi, j'estime qu'on a une discipline qui est très ancienne, qui a une culture, qui a une origine, qui a une histoire. Donc la boxe thaï avant tout, c'est quand même un sport extraordinaire, et j'ai un petit peu les boules qu'on n'ait pas un petit peu plus de lumière. Un petit peu plus de lumière. Voilà, exactement. Bah, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Voilà. Bon, est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? Vas-y. Prêt, Rof? Ok. Allez, session live dans l'émission, session live dans Planète Rap. Rock J est au platine. Samy, si tu veux backer, hein. Je back, y'a pas de soucis, je suis là. Allez, c'est parti en live, les images sur skyrock.fm et le son évidemment dans toute la France sur Skyrock. Yeah! Si Rof, les répétitions avant sa grande tournée. Oh! Ok! Ok! Un! Yeah! C'est plus que du son, plus qu'une passion, son. Misère et meurtre, froid des frissons, son. Génération sacrifiée dans mon champ de vision. Visionnaire, je vois l'avenir du terre-terre en visio. Plus qu'un disque platine, mieux qu'une révélation. Si je les baisse sur le son, je le fais pour la sensation. Que la langue de Molière, les chebites en érection. Même une bête sanguinaire, on éprouve de l'émotion. L'expression des mauvais garçons, volcanique éruption. Tu veux siroter notre sang, chaud mes idées glaçons. Comme mon flingue dans son sous-sol, la musique résonne. Je la tresse plus comme OG, comme Mer Simpson. Je laisse des traces de sang partout sur mon passage. Je fais du sale, m'en sort à la barre en jouant le sage. Parle à tous les sages, 5 à 77. Pour lui taper le 18, pour moi taper le 17. De la force à toutes ces générations. Yeah. On sent les abus grandir, déchaînant dans les passions. Je chante avec mes tripes, mes folies, ma réflexion. Les vérités de mon son, la qualité de mon son. Retour vers le passé, le futur m'a lassé. Mon son trace en féfé, le tien le regard passé. Mon son rime avec échec scolaire, vitesse Q, excès. Cassos for life, aucun génère, n'ont pas fini de rapser. Mon son crève l'abcès. Et la justice, il fait pisser le pu de la police. Mon son donne du courage pour charbonner d'une couture. 8-6 en GAV pour coups et blessures. Mes écrits des cicatrices kéloïdes. Déchire les points de suture, visage de mes frères tués dans mes polaroïdes. Ils plongent dans les regards vides, embaument les caisses comme la weed. Le rap français à la bouche pleine dièse, mes couilles sont vides. Mes flots maintenant ils se prennent tous pour des druides. Narcissiques à la plume cupide, stupide, comment sont te guide. Celles sont des générations 75-70. Pour lui taper le 18, pour moi taper le 17. De la force à toutes ces générations. Yeah. Nous sommes les abeilles grandir, déchaînant les passions. Je chante avec mes tripes et folie ma réflexion. Y'a pas un classique, je n'ai pas fait sans la pression. Yeah. Les vérités de mon son. La qualité de mon son. Chirurgien du son, scalpel sur feuille blanche. Yeah. Dissèque la nature humaine comme un cours de science. Je sais que je vendrais plus quand je serai entre quatre planches. Ils pensaient que j'avais coulé ma calache et étanche. Mon son les dérange, coupable de tant de tueries. Je fais crier la relève comme un curé dans le nœud de cerise. Souviens-toi, freestyle, premier album, dingue. Je transporte les bons, le zard depuis à l'ancienne, t'as les tonneries. Vitrit phénomène, un dictateur de la bande FM. Mon son a grandi, les cellules et les promenades de freine. Que ce sale nègre de guerre là. C'est le chant du coton qui t'étrangle avec ses chaînes. Je suis le game, j'attise l'amour et la haine. Qu'on puisse square again and again and again. Je laisse le son quand je veux, t'as un plan de 5 à 7. Pour lui taper le 18, pour moi taper le 17. Grandir déchaînant les passions. Je chante avec mes tripes, mes folies, ma réflexion. Y'a pas un classique, je n'ai pas fait sans la pression. Les vérités de mon son. La qualité de mon son. UDRG, je veux donner de la force à toutes ces générations. Mon son les a vus grandir déchaînant les passions. Je chante le avec 11. Mes tripes, mes folies, ma réflexion. Y'a pas un classique, je n'ai pas fait sans la pression. Les vérités de mon son. R-O-H 12. Son. Mon son. Son. Ok. À l'instant live dans Planète Rap entre 20 et 21, mon son extrait de PDRG que vous retrouverez aussi sur scène à partir du 11 avril au Zénith de Paris, notamment pour la grosse tournée de Rof. Entre 20 et 21 tous les soirs de la semaine, c'est répétition avec ce soir on a pas mal parlé boxe. Ouais. Avec Sami Sana qui va combattre lui aussi le 19 avril du côté de Saint-Quentin. Ouais. Avec Rim le coach. Inch'Allah, ouais. Quels sont les conseils qu'il faut donner avant, j'allais dire un peu pour les deux d'ailleurs, pour aussi bien pour la tournée que pour le prochain combat. À 23h au lit. Je sais pas pourquoi Samy ça l'a fait bien rire. C'est surtout pour lui que je dis ça. Ah d'accord. C'est lui qui boxe. On va aller au lit à 23h. Voilà. À 22h30 même. Voilà, 22h30. Ouais. Exactement. Plus de filles, plus de boîtes, plus rien. Ouais, rien. C'est fini là, ça. Rien. Privé de tout. Sérieux gros, un mois avant. Mmh. Ah ouais. Toi, tu peux pas, toi, dans la musique, c'est justement, ça se passe plutôt la nuit. Le studio. Ouais, studio. Non, ça dépend. Mmh. Ça dépend, en fait, de l'intention du morceau, tu vois. Mais là, par exemple, pour la tournée, pour les répètes, tu fais quoi? Tu es plutôt en. Ouais, l'après-midi. Après-midi? Ouais, ça y est, moi, je suis un père de famille, moi, gros, je dors la nuit. Ça y est, je bouge plus. Il y en a un des deux qui écoute les conseils. C'est plus une histoire de conseils, c'est voilà. Mon envie d'être tranquille la nuit, envie de dormir. Sommeil réparateur, tu connais. Ah moi aussi je dors la nuit moi aussi. Samy, je te crois pas, t'es un menteur. Attends, rien du tout. Tout dépend à quelle heure en fait. Demande-lui à quelle heure plutôt est la nuit pour lui en fait. Samy, je crois pas. Le jour où il aura une bonne hygiène de vie, où il dormira en temps et en heure, il sera pas champion du monde, il sera champion de l'univers. Ça sera pas pareil. Justement, avant les. Ça doit être quand même le truc qui doit être un peu autre, juste avant les combats ou les concerts. Un peu de mal à dormir, une pression particulière, un truc ou non? Samy? C'est quoi, moi, perso, je suis déjà dedans. Tu vois? Je suis déjà dedans. Après, voilà, c'est je pense les 5 minutes qui précèdent le show, je vais avoir une montée d'adrénaline extraordinaire. Tu vois? C'est exactement pareil. Tu commences à perdre ta salive un peu, tu bois beaucoup d'eau, tu vois pas. Mais une fois que t'as plongé, ça y est, c'est bon. Et à ce moment-là, les 5 minutes, là, faut pas nous parler. Hein, parce que sinon. Bah, tu t'en prends une. On crie. Ouais, toi aussi, c'est pareil, genre. Ouais, c'est la même chose. Non, je dors bien après, c'est ça. C'est les 5 minutes avant de monter qu'on. Psychologiquement. Donc, tu fais quoi? Toi, t'écoutes du son juste avant de monter? Ouais, j'écoute du son. Ouais. T'es obligé. L'avantage qu'il a au SNIC, justement, par rapport à ça. Et j'ai eu l'occasion justement d'en parler avec lui. Je lui dis, c'est que cette montée d'adrénaline, lui, il l'aura tout le temps. D'ailleurs, à 60 piges, il peut chanter, il sera encore là. Que nous, les sportifs de haut niveau, moi maintenant qui est derrière, cette sensation d'adrénaline. Ouais, ça va lui manquer, ça lui manque. C'est un truc, il fait des bonnes tricks des fois. Hein. Quand t'es coach juste avant un combat, par exemple. Non, mais je les envie. Ouais, mais attention à la salle, après, on boxe avec lui, il nous met la misère. Non, mais ouais, c'est pas pareil. En fait, ils se vengent. Ils se vengent sur la salle. Non, mais c'est pas pareil. C'est un truc particulier. Non, c'est pas pareil, c'est très particulier. C'est très particulier. Un combat, c'est jamais gagné d'avance. Et moi, j'ai toujours dit, avant de monter sur un ring, celui qui vous dit j'ai aucune sensation de peur, c'est un menteur. Mais c'est une peur positive qu'on a. C'est une peur qui nous permet d'être vachement vigilant. Et je pense que, à mon avis, je pense que Ousni ne dira pas le contraire. Et c'est pareil quand on fait des gros concerts, quand avant justement d'être devant un public, on a cette montée d'adrénaline. Moi, j'en ai besoin de ça. C'est ce qui fait qu'on est performant. Je suis drogué de cette adrénaline là. Tu vois, ouais, c'est un truc. Ouais, et pareil pour le sport. Si j'en fais pas sous 48 heures, ça va pas. Je commence à trembler. Tu vois, y en a ils sont drogués. Il y en a ils se tuent au bédo, ils se tuent à drogue. Tu as plein de trucs, d'automeufs, c'est pour ça qu'ils sont tenus par les couilles d'ailleurs. Mais nous on est tenus. Nous, c'est la boxe, tu vois. Et si je m'entraîne pas 48 heures, ça va pas. Ouais, je commence à me ramollir, je commence à taper une dépression. Quoi. Donc là, il va y avoir entraînement avant la tournée des concerts pour toi aussi, entraînement intensif. Bien sûr, on va s'entraîner avec Ous aussi. Hein. On va s'entraîner tous les jours. Bon bah merci d'être passé ce soir. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. On peut pas passer Zlatan Aronx. Tablette et ton DVD Hunger Games. Alors on fait tourner rapidement la roulette avec Lucie de Lyon. Salut Lucie. Salut. Ça va bien Lucie? Ça va. Enfin. Ça va. On fait tourner rapidement la roulette avec toi, c'est parti. Allez, on y va. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. On y va. Stop. Et la roulette va s'arrêter pour toi sur sur Hunger Games. C'est pour toi le DVD, eh ben, super, un des gros cartons de l'année 2013. On t'envoie ça du côté de Lyon. Et loupe pas le 25 avril au Transborder, il y aura Rof en concert près de chez toi. Ok, super. J'avais remarqué les affiches. Eh ben, terrible. Bisous, Lucie. Allez, on balance le Zatanna Remix. Vas-y. Allez, juste avant de retrouver la radio libre de Diffoul, c'est parti. C'est le West Indies Remix. Piranha, piranha, piranha, piranha, les moi, on est complices. Les footeux, les dealers, les petits vieux, les hookers, mon ama, trop de fils. Elles te mettent la banana, banana, banana, comme Anna, Nicole Smith. Révèle confort, ta chère avec un coffre-fort. Le chat à tête vers les poches, pendant que tu rofles fort. Elle te travaille au corps, pigeonne même les grosses pinces. Et kiffe ce son qui fait bounce, sa nouvelle paire de ins, mince. C'est toujours toi qui rince. Crapules sans les grenouilles, quand les crapauds jouent les princes. Booty, booty, musique, préfère l'oseille à ton physique. Palace, boutique, resto chic, voyage, tapis, nage artistique. Elle ressemble à la somme, somme que je n'ai jamais dépensé. J'avoue, elle est archi bonne, elle s'use trop bien pour t'en débarrasser. Pour les sales des touches intéressées, elle est sans bonne qu'à encaisser. L'argent est la fessée, c'est ta fiancée, t'es son financier. Zlatana, bronzage, Punta Cana. Najetana, plus chaud que Rihanna. Najetana, Najetana, Najetana, Najetana, Najetana, Najetana. Il est fort, il est fort, il est là, toujours marré qu'au bandana. Changé qu'au Rana Montana. Il cabra qu'il dit, si vous faites ça, qu'à sembler qu'on caissier. Alors, braquage, le gros bonheur, le clé. Déjà à vous de mon cadre, ma car ouvert, pote, mais j'ai la car ouvert, vite content que je suis là. Eh ben, panache, panache. Ils savent que, ouais, ça ouvrait tant. Ils savent que, ouais, car ou qu'avant. Ils veulent vendre les mecs là. Ils veulent vendre du Diana. Ils just keep on us atop. Ils veulent que Vina nous parle. Pour des tafs, si on stick. Si on stick. Pas besoin de faire un script ou sortir pour banana spliff. Banana spliff. Là, jeune 4, la trentaine, tous les week-ends tu sors prendre une coupe. Actif et célibataire, t'es pas dans toutes les histoires de couple. Le bel héritage de ton père t'a permis de te payer le petit coup. Paye du taf juste pour la santé, mais ton quotidien c'est coup de filet quand ça au complet. Oups, entre deux shoots, t'as repéré son look. Elle t'a dit qu'elle venait de la Guadeloupe, qu'elle peut t'apprendre à danser le zouk. Toutes les mêmes, mais là y'a pas de doute, elle est souple dans ta tête, c'est le souk. Tu lui as présenté toute ta troupe, elle te veut pour le reste de ses jours. Mais la Zlatan, elle sait à quoi elle joue, elle est belle. Et toi, banal, elle marche et toi tu cours, c'est ta reine. Donc sa parade doit se répéter tous les jours, elle est tienne. T'en es malade comme avant, tu lui fais la cour. Procuration sur tes comptes, normal après tout c'est ta reine. Tout est bien transféré à son nom. Au cas où le business a des problèmes, elle va même te présenter sa famille. Loin des stress de la vie parisienne, elle connaîtra plus jamais la famine. T'es mort, dévoré par les hyènes. Le West Indies remix de Zlatana à l'instant avec Débrouilla, avec Kérosène aussi dessus, et évidemment Rof, c'est ce qu'on écoutait pour conclure ce Planète Rap. Merci beaucoup. Merci Fred, merci. Merci à vous, hey, messieurs. Un gros gros big up quand même à un entraîneur de boxe qui tient les pattes d'ours là. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais il tient les pattes d'ours, on accélère là, qui pensait même que c'était triché. Mais c'était pas triché, on accélère pas. Ah oui, j'ai vu cette vidéo que t'as mis là. Ouais. Bah à Sidi, un grand ami à Crémo, grand ami à à Samy, à tout le monde. Tu vois. Grosse bise à Sidi. Très généreux qui nous a fait pas mal progresser aussi, Sidi. Gros big up. Eh ben merci à vous, merci. Ouais, merci Fred. Je te dis merde, hein. Ouais, 19 merci. Avril. T'inquiète, on merci est beaucoup Fred. Merde merci. Aussi pour la suite. Merci. Prochain combat, c'est quand? Ah, moi, c'est fini. T'as raccroché? C'est fini, je suis derrière. Tu veux pas un petit comeback? Non, même pas. Non, même pas. Même pas. Bon, bah merci en tout cas d'être passé. C'est ça. Je te remercie, c'est moi qui te remercie. Et rencard demain, 20-21, juste avant 20h, on retrouvera Rof. Okay. Pour cette grande semaine spéciale, juste avant de te laisser partir en tournée à partir du 11 avril au Zénith de Paris. Difool est là. Salut les boxeurs. Hello, hello. Petit combat, Fredo? Non. Non, bah, je suis tranquille. Ah, allez, je veux bien Fredo faire de la boxe. Pas le combat, on le met, pas, on le met pas, en vidéo sur Planet Rap. Je vais pas faire mal à Samy tout de suite. Difool contre Fredo. Sans protège-dents, Difool contre Fredo. Tu sais que c'est le combat du siècle, c'est combat de nez avec Fredo. Planet Rap contre Radio Libre. C'est vrai qu'on pourrait faire un combat de nez, nous deux. Ouais. Tu m'étonnes. Merci Marie, c'est sympa. Toujours sympa Marie, Fred. Oui, j'entends. T'inquiète, on va pouvoir en profiter pendant 3 heures. Jusqu'à minuit, on est là. Demain soir, donc juste avant 20h, tu disais Fredo, le retour de Le retour. Ouais. Demain en mode boxe, non fini mode boxe. Non, peut-être bon. Des invités de Zlatan Aromix, peut-être. C'est ça ce ouais, que tu disais ouais, tout à l'heure. Ouais, en principe, on va voir. Peut-être, on verra. En tout cas, soyez là demain, 20h, 21h, Rof, toute la semaine. Tu passeras nous voir dans la semaine, Rof. Ouais. Et ben, nous, on est là, ça y est, c'est parti. Installez toute l'équipe, vous tous en direct jusqu'à minuit. On a un invité mystère ce soir à découvrir. Ah, un poisson d'avril, peut-être. Ah non. Ah ben non, oui, c'est vrai, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut faire gaffe, personne n'y croit. Non, c'est la vérité. C'est pas un poisson d'avril. D'accord. Voilà, toute l'équipe est là, c'est pas un poisson d'avril. C'est Michael Jackson qui vient ce soir. Ouais. Waouh. Merci Samy. Ah oui, il sort un nouvel album là prochainement. C'est vrai, il y a un nouvel album posthume qui sort de Michael Jackson. Oui, en plus. Ouais. Voilà. Bon, merci Fredo, merci Rof. C'est parti pour Radio Libre. Bah, dans un instant, vous nous appelez dès maintenant à profiter. 01 53 40 30 20. Soyez les premiers. On débarque en direct dans une minute, deux minutes. Ciao, Fredo. Ciao, ciao. Ciao, Rof. Ciao.